De Nicolas de Boislève, La Niaiserie. À Jacques Boulanger. Et surtout, Emma, s'il est une chose contre quoi je tienne à te mettre en garde, et que j'ose même t'interdire d'une manière absolue, c'est de te laisser lire dans la main. Cette manie de vouloir connaître l'avenir autrement qu'en le préparant soi-même, par toutes les mesures qui, à mon avis, forcent la destinée, est lâche, est imbécile. Personnellement, je la trouve répugnante. Elle me met hors de moi. Sans compter que cette prétendue science est de la niaiserie. Vois-tu bien, ma petite, le seul malheur que l'on doive redouter, c'est celui qui est causé par la bêtise humaine, par notre propre stupidité. Comment se fait-il, Eugène, que tu t'échauffes à ce point-là contre ce qui n'est, de ton propre aveu, que de la niaiserie ? Parce qu'il y a des quantités de gens qui prennent cette niaiserie au sérieux, et que cela peut suffire à troubler un cerveau, à bouleverser une famille. Suppose qu'une chiromancienne, cartomancienne, somnambule ou autre toqué du même acabit t'annonce ta mort prochaine. Oh, il paraît que l'on annonce les choses désagréables que sur demande express. Suppose qu'on t'annonce que tu seras bientôt veuve. Dame, la pythoniste ne sait pas toujours si c'est une chose désagréable. Eh bien, ça te donnerait des inquiétudes. Je te fais l'honneur de le croire, et moi je ne m'en cache pas. Ça m'embêterait. Ce qui prouve, mon bonhomme, que tu y crois tout comme les autres. Eugène était un homme corpulent, sanguin, de naturel très bon, mais d'humeur violente. Et pendant de nombreuses années, Emma, qui l'aimait beaucoup, trembla que son mari ne s'aperçût qu'elle avait transgressé une volonté si impérieusement exprimée dès les premiers temps du mariage. Elle s'était laissée lire dans la main une première fois, Eugène étant de l'autre côté de la cloison, et, n'ayant que la porte du fumoir à ouvrir, pouvait être témoin de l'insubordination. Mais après le dîner, quand les pauvres femmes entre elles n'ont plus rien à dire, allaient donc perdre l'occasion d'employer des minutes trop longues. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle s'était laissée lire dans la main et sans que rien de fâcheux en fût survenu, sans que Jeanne même, qui à la vérité avait d'autres choses à fouetter, étant à la tête de vaste entreprise, eût eu connaissance de cette pratique devenue de plus en plus à la mode et qu'il continuait d'aborder avec un croissant dégoût. Oh, ce qu'on lisait d'ordinaire dans la main d'Emma était tellement innocent. Une ligne de cœur sans un accroc, une ligne de vie excellente. La moins bonne de toutes était la ligne de tête, assez pauvre, lui démontrait-on, ce qui ne la flattait pas. On lui comptait 3 enfants sur le bord de la main. Elle en avait eu 2, un fils militaire, une fille récemment mariée, tous 2 bien grands aujourd'hui, pour espérer ou redouter un petit frère. Mais elle en avait porté 1 jusqu'au 5e mois, ce qui pouvait compléter le compte. Elle ne présentait pas le triangle de l'adultère, et il était vrai qu'elle était demeurée constamment fidèle, du moins quant à l'amour, à son gros cher Eugène. Un beau soir à souper, Eugène étant à Londres, une petite femme noiraude, aux cheveux crépus, portant un nom de torero, qu'elle connaissait d'une heure à peine, lui annonça, sans sourciller, que son mari serait décédé avant l'année révolue. Pan, ça y était. Emma ne prit pas, bien entendu, sur le moment, l'horoscope au tragique. Elle fit bon visage à la gitane. Elle sourit même en se répétant une des expressions de gêne lorsqu'il flétrissait l'art des diseurs d'aventure. C'est de la niaiserie. Cependant, seule dans la voiture qui la ramenait à la maison, songeant que son mari traversait le lendemain la Manche, elle se sentit glacée et ne put dormir de la nuit. Eugène fit la traversée sans naufrage, mais trouva à son arrivée chez lui une femme méconnaissable, qui lui affirma qu'elle ne le laisserait pas retourner en Angleterre, comme il semblait en prendre l'habitude, et qu'elle ne voulait sous aucun prétexte se séparer de lui. « Dans ce cas-là, tu m'accompagneras, ma bonne. Je viens d'engager toute ma fortune, une partie de la dot de la jupe de Juliette et les 4 sous de son mari, dans une affaire nouvelle, considérable, et qui exige mes soins personnels. Ce n'est pas l'occasion pour moi de commencer à me négliger. Je ne t'accompagnerai pas en Angleterre, et tu n'iras pas. La fortune, je m'en moque. Ta santé, mon ami, avant tout. D'ailleurs, tout le monde me le dit, votre mari est un homme qui a trop travaillé. » Il fallait me faire cette remarque il y a 6 semaines, avant que je donne ma signature. Personne ne m'a jamais laissé supposer qu'on me trouvait digne de prendre ma retraite. J'ai que 55 ans, une santé de fer. Quand me suis-je plaint? Ai-je eu, à ta connaissance, seulement besoin d'un médecin? Besoin d'un médecin ou non, tu en verras un. J'ai déjà fait avertir le docteur Lepuis. Il vaut mieux prévenir le mal qu'y remédier. Bon gré mal gré, Eugène dut recevoir la visite du docteur Lepuis, qu'il examina de fond en comble, lui interdit l'alcool, les viandes noires, le café, le surmenage intellectuel, comme les excès de toute nature, et l'engagea fort à surveiller de près sa tension artérielle. D'une telle fragilité de sa personne et de tant de précautions indispensables, Eugène demeura frappé, et il perdit cette insolente assurance et cette confiance en soi qui avait fait sa force. Le régime du blanc de poulet et de l'eau claire, la privation de sa tasse de café et de son petit verre de cognac, l'assombrirent, le diminuèrent en peu de temps, d'une manière sensible. Tout le monde à la maison le remarquait. Des étrangers même en hasardèrent l'observation. Juliette, tendrement attachée à son père, s'alarma tout à coup et dit à son mari « Écoute, Gustave, je suis bien tourmentée. Maman, j'en suis sûre, ne s'aperçoit de rien. Mais mon pauvre papa file un mauvais coton. » « Je parlerai doucement à ta mère, » dit Gustave. « Toi, ne vas pas te monter la tête. Dans l'état où tu es, tu en sais les inconvénients. » Gustave dit à sa belle-mère qu'il arrivait une chose très ennuyeuse, que Juliette s'était mise à s'inquiéter de la santé de son père, et que, vu son état, et moi, démoralisé, leva les bras au ciel. « J'allais précisément recourir à vous, » dit-elle. « J'hésitais à cause de l'état de Juliette. » Mais puisque de ce côté-là, le premier mal est fait, il faut que nous nous liguions, Juliette, vous et moi, pour soustraire mon pauvre ami au danger qui le menace. À toute force, empêchons-le de faire la traversée. La traversée? Quel rapport? Malheureux, dit Emma, vous ne savez pas? Je ne devrais pas parler, mais au point où nous en sommes, il vaut mieux tout vous dire. Vous ne vous doutez pas d'où je sors, tel que vous me voyez. Non. Vous chercheriez pendant 4 ans, vous ne le devineriez pas. Je sors de chez une femme qui, une loupe à la main, devant la flamme du bougie, voit l'avenir se dérouler aussi nettement que les images du cinéma. Gustave éclata de rire. Oui, oui, moquez-vous. Sans doute procéder à quelque chose de disgracieux et de vulgaire. Mais lorsque vous aurez appris qu'au travers de cette lentille et dans la flamme d'une bougie achetée par moi chez Potin, cette femme, à qui je suis aussi inconnu que le loup blanc, a vu, entendez-vous, a vu point par point ce que m'avait prédit, il y a 2 mois, une Espagnole, ce qui m'avait été confirmé par Madame Sixte, que vous connaissez, et ne soupçonnerait pas d'imposture, par le mage Maxence, par la célèbre cartomancienne Sliva. Ah ça, mais vous passez votre vie chez les sorcières? Je voudrais vous voir, vous, beau sceptique, et le premier venu, vous avez annoncé un malheur. Avant l'année révolue, voilà les paroles, entendez-vous bien? Et toutes, et le mage lui-même, ont employé la même expression. Et la femme à la bougie, elle, a vu le geste suprême, le bras vivement ramené vers la bouche grimaçante, puis écarté tout à coup, et la tête piquant de l'avant. Le geste de la natation, vous l'avez reconnu. Pour moi, c'est clair, comme le soleil qui lui. La traversée par un brouillard intense, un abordage, le bateau coupé, Eugène fait un effort pour nager, il se débat et s'engloutit. C'est horrible, mon cher Gustave, et voilà le destin. Gustave, se tenant les côtes, revint chez lui, tout heureux de pouvoir tranquilliser sa femme. Juliette, dit-il, tout s'explique. Ta mère est folle, folle alliée, et c'est elle qui fiche la venette à ton pauvre papa. Elle consulte les tireuses de cartes, les nécromanciens, le marc de café. Juliette ne riait pas. Elle dit... Eh bien, parbleu, ce sont les charlatans qui lui ont monté la tête. Et c'est ton père qui en subit le contre-coup, sans qu'il s'en doute. Par bonheur, il ne s'en doute pas. Car si le bruit de ces pratiques venait jamais jusqu'à lui, le dans quelle scène, mes amis! Jusqu'ici, ça n'est que burlesque. Mais qu'a-t-on prédit à maman? Tu es là qui parles, ne te demande pas tes réflexions à toi. On lui a prédit des insanités. Ces gens-là devraient être enfermés. C'est une opinion que j'ai entendue maintes fois émettre par ton père. Ah, il avait joliment raison. Des insanités, dis-tu? Mais lesquelles? Oh mon Dieu, il n'y a pas de mystère. Tu n'es pas assez bête, toi, pour prendre ces choses-là au sérieux. Qu'avant l'année révolue, ton père. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? On me l'a annoncé à moi aussi. On me l'a lu dans la main, dans les cartes, dans le marc café. À toi aussi? 1 000 000 000 de tonnerres de. Que le diable emporte les femmes! Et Gustave n'eut que le temps de se précipiter pour empêcher que la tête de Juliette ne portât contre le parquet. La jeune femme, enceinte de 6 mois, était prise d'une syncope. Juliette ne se remit de sa syncope que pour retomber dans une angoisse que ne firent qu'aggraver les épanchements confidentiels avec la mère, touchant l'extraordinaire coïncidence des prédictions. Joignez la sombre humeur de Gustave, joignez la somme des ménagements, des précautions, des cachotteries nécessaires pour épargner au pauvre papa, et le coup que pourrait lui porter l'indisposition de Juliette, et celui plus redoutable encore que lui porterait sans nul doute la cause de cette indisposition s'il venait à l'apprendre. Et il fallait de surcroît l'empêcher d'aller à Londres. Les choses se chargèrent elles-mêmes de mettre obstacle à ce voyage. Juliette fit une fausse couche la veille même du jour où devait s'embarquer son père. Elle fut à 2 doigts de la mort et demeura 3 semaines dans un état désespéré. Lorsqu'elle se trouva enfin hors de danger, son père avoua que le voyage de Londres manqué représentait pour lui une perte sèche de 380 000 francs, le quart de sa fortune. Il fournissait la démonstration de la catastrophe à qui voulait l'entendre. Toute exagération admise, il ne resta pas moins inconsolable d'avoir raté une belle affaire et d'autre part, d'avoir subi cet autre désastre familial qui, on sait ce que sont ces maudits accidents-là, le privait peut-être à jamais d'un petit-fils. Par une chance relative, du moins il aurait-il toujours le premier motif d'un si cruel enchevêtrement de circonstances, et l'année fatidique courait à son terme. La mère, la fille, le gendre lui-même, impuissant devant la passion de crédulité de ses femmes, aspirait à cette fin d'année comme à la levée d'un siège par une horde étrangère. Le 31 décembre arriva et passa. Les 12 coups de minuit tintèrent, la terre ne trembla pas, et Eugène ronflait paisiblement. Le cap fatal était doublé. Alors ce fut la réaction débridée. Au diable, les sinistres augures! Fini, ah, bien fini, le cauchemar idiot! Avait-on été assez bête? Ah, certes oui! Eugène avait de tout temps eu raison de s'élever contre de telles inepties. Je le confesse, disait Emma avec bonhomie, je suis une sotte. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres. On me l'a dit 20 fois, sur ma ligne de tête. Ah, prenez garde, disait son gendre, vous allez me faire croire qu'il y a quelque chose de sérieux dans les lignes de la main. Emma invita une dizaine d'amis à venir partager la galette des rois. Juliette était rétablie, et il s'agissait de ragaillardir le papa qui pleurait ses 380 000 francs, son petit-fils, sa santé affadie, les derniers mois écoulés au milieu d'une loufoquerie dépassant l'entendement humain. Le papa qui, enfin, demeurait tout seul, à ne pas savoir les raisons que tous avaient de changer de visage. La fête fut en effet brillante. Le papa mangea abondamment et but sec, ce qu'on ne l'avait laissé faire depuis longtemps. Emma, tout à la joie, communiquait à la dérobée son bonheur autour d'elle. Vint le moment, c'était inévitable, où il fallut à tout prix le faire partager à son cher mari. Franchement, elle ne pouvait plus se taire. Il fallait que Jeanne connût ses transes pour s'associer à son allégresse, et d'ailleurs pour qu'il osât recommencer demain à manger, à boire, à vivre, comme il avait fait pendant 55 ans, sans inconvénient, voire à aller à Londres pour ses affaires. Elle fit un signe. Toute la table, haletante, garda le silence. Voilà, il faut que je te dise, Jeanne, je m'étais laissé lire dans la main. Jeanne, au premier mot, comprenant tout ce qui s'était passé depuis 3 mois, devint pourpre, et une colère propre à l'homme, une colère qui monte soudain du fond profané de la raison virile, l'étrangla. Il porta la main à son faux col, comme pour faire sauter le bouton, puis rejeta horizontalement, comme un nageur, son bras inutile. Sa lèvre se retroussa aux deux commissures, sur les dents canines, et il tomba, frappé de congestion.